Chapitre 8e. 4 jours s'écoulèrent pendant lesquels il ne se passa rien de significatif. De son réseau, Odette avait obtenu des renseignements négatifs concernant les duettistes, comme ils appelaient maintenant les deux soi-disant inspecteurs de police Pinault et Lambert. Léopold eut un peu plus de chance, si l'on peut dire. Un Pinault faisait bien partie des services de police, mais c'était un inspecteur principal, un homme d'une 50aine d'années à la forte corpulence. Un Lambert existait aussi, mais c'était un simple gardien de la paix qui venait de débuter. Il était donc clair que les deux hommes avaient dû prendre ces noms sur une liste quelconque de vrais flics. Ces recherches infructueuses plongèrent Louis dans les affres du doute et l'angoisse des suites à venir. Ne pas savoir à qui il avait affaire le rongeait. La raison aurait voulu qu'il ne répondît pas à la première sollicitation, qu'il laissât tomber. Mais était-ce possible? Il mit à profit ces 4 jours pour peaufiner son modus operandi. Ce fut sans le savoir David qui lui procura la solution. Le gamin avait rapporté de chez lui un jouet farce à trappe constitué d'une bague munie d'une petite poire. L'enfant faisait admirer le bijou au pigeon qui recevait surpris un jet d'eau dans l'œil. Louis échangea cette farce contre une petite voiture et bricola l'objet. Par le trou au centre du cabochon, il fit passer une aiguille qu'il avait raccourcie et aiguisée à la lime. Il l'avait laissée dépasser de 5 mm, longueur nécessaire pour rentrer dans le derme de la victime. Un coup léger porté sur le corps du patient, une petite pression sur la poire remplie de tubocurarine, et le tour était joué. Lorsque l'objet fut terminé, il testa sa solidité avec de l'eau sur une vieille balle de tennis. Il put constater que l'aiguille restait bien en place et que le liquide pénétrait dans le caoutchouc de la balle, pourtant plus dur qu'un épiderme. Malgré tout, une telle arme était dangereuse pour son propriétaire qui pouvait, au cours d'un mouvement brusque, s'inoculer lui-même le poison. Louis dota donc le chaton de la bague d'une protection faite d'une pastille de robinet enfoncée dans l'aiguille. De loin, on pouvait croire que c'était une chevalière en onyx. Mais au fil des essais, Louis s'aperçut que la bague finissait par fuir dans sa poche. D'autre part, pour que le dispositif marche, il fallait que le réservoir soit complètement plein, ce qui faisait tout de même une grande quantité de produits inutiles. Il opta alors pour une toute petite seringue qui datait du temps de son internat et dont il ne se servait jamais. Elle était longue de 5 cm tout au plus et d'un diamètre d'un centimètre. À sa base, elle possédait 2 anneaux pour y passer les doigts. Il la dota d'une aiguille très courte et recommença ses essais. On pouvait facilement la dissimuler dans la paume de la main et injecter le liquide simplement en refermant les doigts. De plus, ce dispositif était parfaitement étanche et, avec un petit capuchon, pouvait rester longtemps dans la poche de sa veste. En prenant la précaution de faire partir la bulle d'air avant, elle était immédiatement utilisable. Pendant ce temps, au 2e étage, les Beauchamp, jeunes et vieux, utilisaient leur soirée à mettre au point leur parentalité. Ils se mirent d'accord sur l'enfance du fils René, sa rencontre avec Mathilde, l'adresse de l'imaginaire imprimerie de Meyer à Dunkerque. Léopold avait dégoté une photo aérienne des bombardements sur laquelle ils avaient mis une flèche censée indiquer leur immeuble détruit. On catholicisa l'appartement. Sur la cheminée, une statuette de Vierge en majesté remplaça les bougies du Shabbat. Dans les chambres, 2 petits crucifix furent fixés au-dessus des lits. Dans l'entrée, sur une tablette à portée de main pour se rendre à la messe, un missel rappelait discrètement la confession des occupants de l'appartement. Tout ceci ne posa pas de problème, car les Beauchamp jeunes étaient irreligieux. Mais bien au-delà de la mise au point de ces détails pratiques, une certaine empathie naquit entre ces 2 couples, qui avaient en réalité très peu de points communs. Ils tombèrent d'accord pour prendre le repas en commun chaque fois que cela serait possible. Un soir de la semaine suivante, il était presque minuit, Marcel fut réveillé par la sonnerie de la porte de l'immeuble. Il regarda prudemment à travers le jus de la grillagée, mais ne vit rien. « Qui est là ? » demanda-t-il à voix basse. « Ouvrez, ouvrez vite !» lui fut-il répondu. « C'est nous, les Beauchamp. Dépêchez-vous, mon mari est blessé. »« Comment blessé ?» s'étonna Marcel. « Mais ouvrez, nom de Dieu !» Mathilde Beauchamp soutenait son mari de toutes ses forces et ne pouvait sortir la clé de son sac. Marcel fit ce qu'il put pour aider René, qui semblait souffrir copieusement, la jambe droite de son pantalon tout imbibée de sang. « Il faut l'amener chez le docteur, vite !» Les coups sur la porte éclatèrent dans le silence, affolant Louis et sa femme. La Gestapo ? Non, ils auraient frappé beaucoup plus fort. Lorsqu'il comprit ce qui se passait, Louis préféra que Beauchamp soit amené dans son cabinet. Ils l'allongèrent sur la table de consultation et Louis découpa sans scrupule le pantalon. Beauchamp était blême, autant de souffrance que d'angoisse. Une belle déchirure horizontale barrait sa cuisse droite. Au débit de l'écoulement sanguin, Louis comprit que l'artère n'avait heureusement pas été touchée. C'est tout de même profond. Qu'est-il arrivé ? Demanda-t-il en commençant ses soins. Nous étions chez des amis pas loin d'ici et nous avons passé l'heure du couvre-feu. Nous avons tout de même décidé de rentrer. Mais arrivés au beau milieu de la rue Soufflot, nous avons vu venir une patrouille. Impossible de se cacher, alors nous avons fait demi-tour. Ils ont fait les sommations d'usage, mais on s'est mis à courir et ils ont fini par nous tirer dessus. Heureusement, on a trouvé un immeuble ouvert au coin du boulevard. On s'est caché et on a attendu que la patrouille passe. Après, j'ai fait un pansement à René comme j'ai pu et nous sommes revenus tout doucement. Eh ben, vous pouvez vous vanter d'avoir du bol, s'étonna Louis, car un peu plus, c'était l'artère fémorale qui pouvait être touchée. Les bords de la plaie sont trop écartés. Je ne peux pas faire de point. Il va falloir attendre que la chair repousse. Vous en avez pour un moment, restez immobile, René. Odette avait vu Mathilde poser par terre une balise de cuir épais dont la fermeture était garantie par une sangle. Cela ressemblait à une étude de machine à écrire portative. Alors que Mathilde racontait leur déboire, Odette soupesa discrètement la mallette. Un peu lourde pour une machine à écrire. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dedans ? Une fois les soins terminés, Louis, aidé de Mathilde et d'Odette, monta René au deuxième étage, Marcel ne pouvant les aider avec sa patte folle. Tout rentra dans l'ordre et l'immeuble retrouva son calme. En réalité, les choses ne s'étaient pas du tout passées comme les avait raconté Mathilde. Dans le courant de l'après-midi, un gars du réseau, Fernand, qu'il ne connaissait que sous ce nom-là, était venu les chercher en voiture pour les conduire dans un petit pavillon de Saint-Cloud. Déjà le fait qu'il disposât d'une voiture pouvait paraître louche à certains. Il s'agissait pour le couple de prendre livraison d'un poste émetteur ou boîte à musique, comme on disait dans le jargon. René et Mathilde étaient des pianistes accomplis, s'envoyant des messages en tapant de l'index sur le bois de leur lit. Ils étaient capables d'un bon débit et prêts à entrer en action. Fernand les entraîna à monter et à démonter ce nouvel appareil en moins de 10 secondes. Il fallait ensuite avoir, en cas d'alerte, une cachette sûre, près de l'endroit où on l'utilisait. Pendant l'exercice, Fernand éclusait une bouteille de tafia pour se donner du cœur. Au moment de partir, il laissa tomber, d'un ton dédaigneux, « Toi, tu dégages, René, mais la petite reste avec moi, j'ai besoin de compagnie. »« Elle est venue avec moi, elle repart avec moi, » répondit catégoriquement René. « Allez, petit, ne fais pas de difficultés, dégage, t'as pigé, dégage. »« Viens, » dit René en prenant Mathilde par le bras. Fernand, bien échauffé par le rhum, mais incapable de se lever, sortit un lugueur de sa ceinture et fit feu sous la table. René hurla de douleur et s'effondra sur le canapé en se tenant la jambe. Presque aussitôt, 4 détonations retentirent et Fernand piqua du nez sur la table, rougit rapidement de son sang. Mathilde venait de lui tirer dans la tête 4 balles de 6.35 pratiquement à bout touchant. Fernand venait de terminer sa petite vie de combinard, de fourgue, de receleur et depuis l'occupation de donneur. Il y en avait des tas comme lui dans les rades de Pigalle et des Halles. Lorsque la police mettait la main sur l'un d'eux, c'était pain béni. En échange d'indulgence, on les faisait parler toute la nuit et ils auraient dénoncé père et mère pour se blanchir. En général, ils ne restaient jamais longtemps en prison. On avait trop besoin d'eux sur le terrain. Les plaies de René commençaient à saigner abondamment. Mathilde bourra la jambe de son pantalon avec un coussin qui fit office de pansement compressif. Puis elle attrapa un couvre-lit crasseux qu'elle plia en 8. « Allez, René, courage !» Elle le soutint pour l'amener jusqu'à la voiture de Fernand. Elle posa le couvre-lit sur le siège passager. « Assieds-toi, essaye de ne toucher à rien. On va essayer de rentrer. On va y arriver, tu vas voir. » Ils réussirent à franchir la Seine sans encombre et garèrent la voiture à une centaine de mètres de l'immeuble de Louis. Ils attendirent le couvre-feu pour sortir de la 202 Peugeot. Mathilde se débarrassa du couvre-lit dans un avaloir et claudiquèrent jusqu'au Porsche. La suite, le lecteur la connaît déjà. Quelques jours plus tard, on put lire dans Paris Soir « Meurtre à Saint-Cloud ». La police a retrouvé dans un pavillon de Saint-Cloud déserté par ses propriétaires le corps de Ange Sacchetti, bien connu des services de police. L'homme a été tué de 4 balles dans la tête. L'enquête s'oriente vers un règlement de compte entre malfrats. Le lendemain, alors qu'il sortait pour visiter ses malades, Louis fut ailé par Marcel. « Patron, une lettre pour vous. »« Du facteur ?»« Il passe bientôt. »« Non, c'est encore un gamin qui l'a porté. » Le cœur de Louis accéléra ses battements. Il comprenait trop bien de qui provenait la missive. À l'ombre du porche, fébrilement, il dépliait la lettre tapée à la machine. « Cher docteur et compagnon, nous tenions à vous féliciter pour la manière dont vous avez jusqu'ici accompli votre tâche. Pour vous prouver notre reconnaissance, nous tenons à vous prévenir que la Gestapo projette dans les jours prochains une descente dans votre quartier. Tenez-vous sur vos gardes et préparez minutieusement cette visite. D'autres nouvelles suivront bientôt. Nous vaincrons. Vive la France libre. Bien cordialement. » La lettre n'était pas signée, mais était-ce nécessaire? Cette fois, Louis, sans entrer dans les détails, alla s'en ouvrir auprès de Léopold qui avait des contacts avec les officiers SS de la Gestapo. Comment et par qui cette info avait-elle transpiré? Certainement par une taupe infiltrée dans les services. Léopold privilégiait les relations avec les officiers au nazisme plus que tiède. Pourrait-il lui apporter quelques lumières? N'empêche, d'où qu'il vienne, cet avertissement n'était pas à prendre à la légère. Mais Louis aurait voulu savoir si cette descente était ciblée et consécutive à l'événement de la veille, ou si tout le quartier serait passé au peigne fin de façon programmée. Il montra la missive à Marcel et lui demanda de veiller pour sa part à ce que rien ne cloche. Il fallait absolument qu'il visite ses malades, mais dès son retour, il se promettait de passer l'immeuble au crible, particulièrement du côté des Beauchamps, et de faire répéter sa leçon à David. « Préviens ma femme, Marcel, et Meyère au deuxième. Je vais prendre le vélo pour aller plus vite. » Arrivé devant la porte de son premier patient, il attacha l'engin à un réverbère en passant une forte chaîne à travers la roue avant et le cadre. Un agent surpris lui fit remarquer que les réverbères n'étaient pas faits pour cela. « Vous voulez m'en payer un neuf ?» répondit Louis d'un ton hargneux. « C'est le troisième que j'achète depuis le début de l'occupation. Du dernier, je n'ai retrouvé que la roue avant. Alors maintenant, j'attache la roue et le cadre, même si ce n'est pas beau dans le décor. » Ce mode de locomotion était devenu le seul que puissent encore posséder les Français. Mais avec les restrictions, dégoter un pneu ou le moindre accessoire relevait du miracle. Plus l'occupation durait, plus la valeur de la moindre bécane déglinguée augmentait. Il mena les cinq visites qu'il avait à faire tambour battant et revint dardard à la maison, grimpant les escaliers 4 à 4. « Denis, Denis !» appela-t-il dès le seuil de son appartement franchi. David déboula du couloir sur des patins à roulettes. « Voilà, papa Louis, je suis là !» Visiblement, Odette avait fait son travail. Toutefois, David prévint qu'il voulait bien se prêter au jeu pour échapper à la Gestapo, mais que ça n'engageait à rien vis-à-vis des Fogles. Un modus vivendi avait été trouvé, néanmoins Odette ne désespérait pas d'arriver à mieux avec le temps. Louis frappa à la porte des Beauchamps. C'est Mathilde qui lui ouvrit, l'air assez alarmé. Louis remarqua qu'ils avaient accroché dans l'entrée un petit portrait du maréchal, du plus bel effet vichyste. Après un rapide tour d'inspection dans l'appartement, Louis demanda à Rachel, pour la tester, si elle connaissait un dénommé Meyère. « Meyère, non. Mais cela doit être un juif, certainement, » répondit-elle avec un sourire ironique. « Comment s'appelle votre mari, madame ? Madame, comment déjà ? Beauchamp. Solange Beauchamp. Et mon mari s'appelle André. Nous venons de Dunkerque, où nous avons tout perdu, mon bon monsieur. Parfait, s'exclama Louis. Je crois qu'on pourra s'en sortir. Mais il ne faudrait pas qu'il reste longtemps. Pourtant, Mathilde gardait sa mine préoccupée. Elle amena Louis à l'écart. Qu'a-t-il, Mathilde? Vous n'êtes pas tranquille, on dirait? Docteur, il faudrait qu'on invente quelque chose qui tienne la route pour la blessure de René. Comme c'est vous qui le soignez. C'est un accident de vélo. Il a atterri dans un buisson et s'est déchiré la cuisse après une branche. C'est tout à fait plausible, j'ai vu des cas analogues. Bon, mais il n'y a pas que ça. Et Mathilde l'amena dans la chambre où reposait André et lui ouvrit la valise de cuir. Vous savez ce que c'est, docteur? Louis eut le même haut-le-corps que s'il avait mis sous le nez un cadavre sans tête. Il fulmina. Mais vous êtes complètement dingue d'avoir amené ça ici. Vous ne comptez tout de même pas vous en servir? Ben si, répondit timidement Mathilde. C'est justement pour ça qu'on l'a. Louis tourna comme un enragé dans la pièce, tapant du poing dans la paume de son autre main. « Ah, nom de Dieu! Je le savais que je n'aurais que des emmerdements. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ces débiles? En est beau, tiens !» Puis, ayant repris son souffle, il se planta devant Mathilde et tenta de lui arracher la mallette des mains en la traînant dans le couloir. « Il est hors de question que vous vous serviez de ce truc. Je vous l'interdis formellement, vous entendez ?» Mathilde résistait comme elle pouvait. « Il faut que je m'en serve. Je suis obligée. Vous devriez comprendre, docteur. » René les appela depuis la chambre. Il expliqua à Louis qu'ils avaient des messages de la plus haute importance à faire passer aux alliés. Il faudrait trouver un endroit dans l'immeuble d'où émettre et, en attendant, en prévision de la descente de police, une cachette sûre pour l'appareil. Finalement, il lâcha d'un ton acerbe. « Puisque nous sommes tombés chez un collabo, vous n'avez qu'à nous dénoncer quand la Gestapo viendra. Vous serez débarrassé de l'appareil et de nous avec. » C'était plus qu'il n'en fallait pour faire exploser Fogle. Il saisit Beauchamp par le col et le secoua comme un prunier. « Arrêtez de me prendre pour un demeuré, Beauchamp. Vous savez aussi bien que moi que nous sommes tous obligés de garder le silence maintenant. La seule présence de cet émetteur de merde nous fait tous courir un danger de mort. Vous pensez peut-être que les Allemands vont se contenter de vos explications du genre « c'est pas eux, c'est moi ?» Pauvre idiot, ils nous passeront tous dans la baignoire et vos colocataires ne s'en remettront pas. Comme aucun des occupants de l'immeuble ne pourra avouer quoi que ce soit, ça se terminera par des trous contre un mur ou dans un camp en Pologne. » Louis reprit son souffle puis ajouta « ni vous ni moi ne pouvons revenir en arrière, vous le savez. Nous sommes prisonniers d'une machine infernale. Nous devons continuer à nous foutre dans la mouise chaque jour un peu plus. » Depuis que ce salaud de Pinault est venu me voir. Il a bien dû vous l'expliquer, ça, quand il vous a donné mon adresse, non? Mais nous ne connaissons pas de Pinault, docteur. C'est une brave dame qui nous a donné votre adresse. Elle nous a dit, vous verrez, ce sont des gens formidables, vous serez en sécurité, tout est arrangé. Louis nageait encore un peu plus dans le brouillard. Nom de Dieu, qui dirait la vérité? Décidément, les choses étaient bien plus complexes qu'il ne le pensait. « Et je peux savoir pourquoi vous avez dû venir ici ?» demanda-t-il. Là où nous étions, ça commençait à devenir dangereux. Ils nous avaient localisés et nous risquions d'être arrêtés d'un moment à l'autre. Nous sommes partis en laissant tout en plan. Et bien sûr, vous êtes certain qu'ils ne vous ont pas suivi ?»« Non. Ils avaient à peu près localisé d'où venait la musique, mais pas les pianistes. » Depuis un moment, les yeux bleu pâle de Mathilde, durs et froids, ne perdaient plus le regard de Louis et prenaient sur lui de l'ascendant. Son intuition lui fit deviner l'idée folle qui germait dans le cerveau de Mathilde. « Non » fit-il. « Ça, non, pas question !»« Et pourtant, » dit Mathilde doucement, « vous savez bien que c'est la seule solution pour planquer l'appareil. La meilleure, docteur. La fin justifie les moyens. » Les nerfs de Louis commençaient à lâcher. Dans un élan furieux, il arracha la valise des mains de Mathilde et bondit hors de l'appartement. « Nous allons boire le calice jusqu'à la lie !» rugit-il dans l'escalier. Il frappa la porte de Léopold sans ménagement. Hans lui ouvrit. Louis, sans autre explication, lui mit la valise dans les mains et lui dit « Tiens, planque-moi ça en lieu sûr pour quelque temps. Je le reprendrai quand la Gestapo sera passée. » Hans ne demanda rien d'autre et répondit simplement « D'accord, Toubib. » Le sort était jeté. Deux personnes de plus allaient être mouillées. Louis était dans un tel état psychologique qu'il était incapable d'expliquer quoi que ce fût à Léopold. Il n'aurait pas su par où commencer cette histoire de fou, mais il savait bien que dans les jours qui viendraient, il faudrait bien qu'il finît par tout raconter à son ami. Ce problème étant éludé, il remonta au deuxième étage. Pour les meilleurs Beauchamp, tout était en ordre. Ça lui avait coûté assez cher. Mademoiselle de Labarre, qui jouait du piano en sourdine, n'avait pas grand-chose à cacher, à part, peut-être, quelques vices inavouables avec ses jeunes élèves. En revanche, les Cassins, qui pratiquaient le marché noir comme un sport cérébral, détenaient des denrées dans des quantités certainement répréhensibles. Il les prévint donc, et le couple le remercia avec effusion, en jurant de ne jamais oublier son geste. Par acquis de conscience, il ouvrit l'appartement voisin inhabité. Après tout, un parent ou un inconnu pouvait se cacher secrètement dans ce logement. Les housses étaient en place. La couche de poussière de bon aloi prouvait que l'appartement était réellement désert. Lorsqu'il posa le pied sur la première marche de l'escalier pour monter aux étages supérieurs, une idée lui traversa l'esprit. Qui savait si, dans ses locataires du dessus, il n'y avait pas un collabo enragé qui aurait pu le dénoncer pour entrave à l'exercice des services de police? Il décida d'arrêter là son inspection et ses mises en garde. Juste à ce moment, un jeune locataire descendit l'escalier en sifflotant. Il nageait dans une veste à carreaux beaucoup trop ample pour lui, mais dont les manches étaient très courtes. son pantalon tire-bouchonnait sur d'énormes souliers. Ses cheveux moussaient sur son crâne en un désordre savamment gominé. La gravure de mode du parfait Zazou. Certains de ses copains allaient jusqu'à arborer des étoiles jaunes, sur lesquelles ils écrivaient n'importe quoi. La police ne les aimait guère, et c'est justement ce dont ils étaient fiers. « Vous sortez ce soir ?» demanda Louis. « Ouais. On va au Hot Club à Pigalle, rue Chaptal. On va faire une jam avec mon copain Boris. Il joue de la trompette comme un cinglé. » « Il vaudrait mieux que vous passiez la nuit dehors, ce soir. Je dis ça dans votre intérêt. »« Ok, Doc. Message reçu 5/5. De toute façon, en général, quand on sort de la boîte, le jour est déjà levé. Vous devriez venir une fois avec votre femme. Ça vous changerait un peu. » Louis regarda partir le jeune qui déballa les escaliers comme une pente de ski, tout en sifflant un standard de jazz et terminant par un grand saut bruyant au bas des marches. « Ah, c'est J3, » pensa Louis. J3 correspondant aux cartes d'alimentation des jeunes de 13 à 21 ans.